Sur le chemin qui ramène Orso et sa sœur Colomba à Pietranera, leur village natal, Colomba dit son enthousiasme pour la beauté et le charme de Miss Lydia et engage Orso à épouser la jeune Anglaise qui doit être de plus un bon parti. Les voyageurs dînent et couchent chez un ami de leur famille, puis se remettent en route à travers le maquis, hospitalier à ceux qui ont fait un malheur. Déjà nos voyageurs n'étaient plus qu'à une petite distance de Pietranera, lorsque, à l'entrée d'une gorge qu'il fallait traverser, ils découvrirent 7 ou 8 hommes armés de fusils, les uns assis sur des pierres, les autres couchés sur l'herbe, quelques-uns debout et semblant faire le guet. Leurs chevaux paissaient à peu de distance. Colomba les examina un instant avec une lunette d'approche qu'elle tira d'une des grandes poches de cuir que tous les Corses portent en voyage. « Ce sont nos gens !» s'écria-t-elle d'un air joyeux. « Pierrucho, mon écuyer, a bien fait sa commission. »« Quels gens ?» demanda Orso. « Nos bergers !» répondit-elle. « Avant hier soir, j'ai fait venir Pierrucho, afin qu'il réunisse ces braves gens pour vous accompagner à votre maison. Il ne convient pas que vous entriez à Pietranera sans escorte, et vous devez savoir d'ailleurs que les Baricini sont capables de tout. « Colomba !» dit Orso d'un ton sévère. « Je t'avais prié bien des fois de ne plus me parler des Baricini, nés de tes soupçons sans fondement. Je ne me donnerai certainement pas le ridicule de rentrer chez moi avec cette troupe de feignants, et je suis très mécontent que tu les aies rassemblés sans m'en prévenir. Mon frère, vous avez oublié votre pays. C'est à moi qu'il appartient de vous garder lorsque votre imprudence vous expose. J'ai dû faire ce que j'ai fait. » En ce moment, les bergers, les ayant aperçus, coururent à leurs chevaux et descendirent au galop à leur rencontre. « Et viva Orsanton !» s'écria un vieillard robuste à barbe blanche, couvert, malgré la chaleur, d'une casaque à capuchon, de drap corse, plus épais que la toison de ses chèvres. « C'est le vrai portrait de son père, seulement plus grand et plus fort. Quel beau fusil ! On en parlera de ce fusil, Orsanton !»« Et viva Orsanton !» répétèrent en chœur tous les bergers. « Nous savions bien qu'il reviendrait à la fin. » « Ah, Orsanton, disait un grand vieillard au teint couleur de brique, que votre père aurait de joie s'il était ici pour vous recevoir. Le cher homme, vous le verriez s'il avait voulu me croire, s'il m'avait laissé faire l'affaire de Giudice. Le brave homme, il ne m'a pas cru. Il sait bien maintenant que j'avais raison. « Bon, reprit le vieillard, Giudice ne perdra rien pour attendre. Et vive Orsanton !» Et une douzaine de coups de fusil accompagnèrent cette acclamation. Assez mécontent de ces démonstrations, Orso réussit, non sans peine, à éloigner ses indiscrets protecteurs.